franceinter.fr. Bonsoir. Autant n'importe l'histoire est consacré ce dimanche à un personnage phare de notre histoire. Phare. Sans doute aurait-il adoré qu'on voit en lui un phare. Lui qui les dessinait au milieu des tempêtes de la Manche et en fit même un héros de ses poèmes. La haute majesté d'un phare inébranlable, chandelier que Dieu pose sur la grève. Vous l'avez reconnu bien sûr, Victor Hugo, on ne s'en lasse jamais. L'épisode de la vie de Victor Hugo que je vais vous raconter ce soir est un moment court mais décisif. Les quelques jours qui l'ont amené à fuir la France en 1851 avec sa famille pour un long exil. Bruxelles d'abord, puis les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, où pendant près de 20 ans, il narguera celui qu'il appelle Napoléon le Petit. Cette image d'un Victor Hugo drapé dans sa conscience libre de républicain et de poète exilé, éclairant les esprits tel un phare dans la nuit, cette image, on l'a tous en tête. Ce qu'on connaît moins, ce sont les circonstances de son départ, les heures qui ont suivi le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, lorsque Victor Hugo, au petit matin du 2 décembre 1851, ne doute pas qu'il va pouvoir renverser le cours de l'histoire. On va découvrir une image saisissante. Hugo hors la loi, déguisé en ouvrier, arpentant Paris pour convaincre le peuple de dresser des barricades et de rétablir la République. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Cette histoire, Michel Vinoc, vous la connaissez bien. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la République et de l'histoire intellectuelle au 19e et au 20e siècle. Alors, ce qui est fascinant avec Victor Hugo, c'est cette impression que la politique et la littérature peuvent coexister. Un poète qui prétend arrêter un coup d'État, c'est assez exceptionnel dans l'histoire. Oui, d'autant plus que quand la révolution de février 1848 éclate, il n'est pas du tout républicain. Là, on est quelques années auparavant. Mais il faut partir de là. Pour comprendre son évolution, c'est un notable, Victor Hugo. Il est académicien, il a été élu à l'Académie française en 1844. Il est pair de France, c'est-à-dire qu'il, vraiment, c'est un personnage du régime et il est tout à fait partisan de la monarchie constitutionnel. De sorte que, quand la révolution éclate en février 1848, il ne se rallie pas d'emblée à la République, mais à la régence d'Hélène d'Orléans, qui doit assurer, n'est-ce pas, la transition. Et une semaine plus tard, au moment où on va planter avec lui un arbre de la liberté, vous savez que dans les journées de février, on a planté symboliquement des arbres de la liberté, alors à ce moment-là, il va crier « Vive la République universelle ». Sa conversion a été assez rapide. Oui, l'histoire de politique de Victor Hugo, c'est un passage de la droite royaliste à la gauche. Non pas socialiste, mais une gauche quand même très nette, oui. Républicaine. Alors, c'est dans ces quelques années donc de République, la deuxième République, qu'on va voir très longue. Cette évolution. Il va être élu député au mois de juin 1848, mais il est de droite, et même dans ses premiers discours, c'est un homme d'ordre qui est tout à fait hostile, notamment aux ateliers nationaux qui ont été organisés pour accueillir les chômeurs. Et rapidement, on va le voir évoluer vers la gauche, parce que il se trouve bientôt en présence d'une majorité conservatrice contre laquelle il va défendre les principes de la liberté de la presse, le principe du refus de l'intervention française à Rome pour protéger le pouvoir absolu du pape. Et on va le voir défendre le suffrage universel en 1850, à un moment où cette assemblée en majorité conservatrice veut limiter le suffrage universel pour en ôter 2 à 3 millions d'électeurs qui sont de la classe ouvrière. Bref, on le voit en quelques années passer de la monarchie à la République et c'est devenu un des ténor, on peut dire, du régime républicain. Et il défend même l'instruction publique, obligatoire, gratuite et laïque. Oui, il parle du droit de l'enfant. Et le droit de l'enfant, oui, c'est quelque chose de très nouveau. C'est d'accéder à l'école. Il existait une loi, la loi Guizot de 1833, qui rendait obligatoire l'existence d'une école dans les municipalités, mais elle n'était pas, cette école encore, ni obligatoire, ni gratuite, ni laïque. Eh bien, Victor Hugo, en pionnier de l'école républicaine, dans ses discours, défend ce principe du droit de l'enfant à l'école. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces années-là, justement, après la Révolution? Qu'est-ce qui explique cette arrivée du coup d'État? Évidemment, la Révolution a eu lieu, on a élu une assemblée constituante, et la Constitution qui a été votée créait un président de la République. Cependant, le président de la République, élu au suffrage universel, n'avait pas le droit de faire deux mandats consécutifs. Donc il était élu pour 4 ans. L'élection se produit au mois de décembre 1848 et c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu. On ne le connaît pas beaucoup, mais il a un nom. Ah oui, c'est ce le neveu de Napoléon Ier. C'est le neveu de Napoléon. Et Napoléon est populaire. Le nom de Napoléon est extrêmement populaire encore en France. Contre la monarchie précisément, Napoléon a représenté dans ce qu'on a appelé la légende napoléonienne, la République en quelque sorte. Et Victor Hugo n'est pas vraiment hostile par conséquent à cette élection. Il accepte l'invitation à l'Élysée que le futur Napoléon III lui fait. Et c'est par la suite qu'il va s'opposer radicalement à lui, et notamment parce que Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, entend bien rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il faut d'abord une révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle exige qu'il y ait 3/4 des députés qui la votent. Or, il n'obtient pas ce résultat, Louis-Napoléon Bonaparte n'a plus qu'un recours, s'il veut rester au pouvoir, c'est de faire un coup d'État. Et à ce moment-là, Victor Hugo, immédiatement, va s'opposer avec la plus grande fermeté au coup d'État. Merci Michel Vinocq pour ces précisions qui vont nous permettre de bien rentrer dans cette histoire. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1851, Victor Hugo face à Napoléon le Petit, écrit par Laura Elmaki, une réalisation de Laurence Courtois. 11h, déjà. Si je n'ai pas Stra, il faut que je trouve un endroit pour dormir cette nuit. Auguste pourra peut-être me loger. Sinon, j'irai rue Popincourt. 11h20. Le train part à 11h20. Je ne sais même pas quand Adèle et les enfants pourront me rejoindre. Tout ça pourquoi? Pour ce fils d'Hortense qui n'est célèbre que par la naïveté de sa pose impériale. Je me souviens encore de lui me disant « Je suis un honnête homme ». Il me l'a dit il y a 3 ans, ce traître. Qui pouvait imaginer que toutes ces énormités seraient faites aujourd'hui? La République étranglée, le drapeau sali et les citoyens forcés de choisir entre la soumission ou le bannissement. Où était l'homme capable d'un tel rêve? La loi, désormais, ne ressemble à rien d'autre qu'au lit d'une fille publique. Et à qui la faute? Pas celle d'un colosse, non. C'est bien la faute d'un nain. D'un nain immonde. Et je suis là, obligé de tout abandonner. Mais si Bonaparte croit que c'est son décret qui me chasse, il se trompe. Ce qui me chasse, c'est son infamie. Ce qui me bannit, c'est ce spectacle de honte que je n'aurais pu supporter plus longtemps. Ce n'est pas Bonaparte qui me dit « va-t'en », c'est mon âme. Il n'y a plus rien à faire désormais, sauf écrire, raconter. Oui, à Bruxelles ou ailleurs, je dirais le mal comme le bien. Il n'y a pas de pente plus impérieuse que celle-ci, dire la vérité. Qui s'y aventure roule jusqu'au fond. Après tout, le justicier est condamné à la justice. Paris, La nuit du 11 décembre 1851. Victor Hugo, déguisé en ouvrier et muni d'un faux passeport, marche seul dans la rue en direction de la gare. Il doit prendre un train pour Bruxelles, la ville où se réfugieront tous les proscrits du Second Empire. Son exil commence. 9 jours plus tôt, l'écrivain était loin de se douter qu'il serait contraint de fuir. En ce milieu du XIXe siècle, il est une véritable légende vivante. Dramaturge à succès, poète et romancier adulé, académicien et pair de France. Depuis les journées révolutionnaires de 1848, Hugo est aussi député, rangé à droite, mais séduit par la gauche et sensible à la condition du peuple. Persuadé que le neveu du grand Napoléon était inoffensif, il n'a pas hésité à le soutenir dans sa course à l'Élysée. Mais Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la Deuxième République, ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir échoué à faire modifier la Constitution dans le but de se faire réélire, cet homme, au charisme médiocre, a employé la force jusqu'à tout faire basculer dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851. Qu'est-ce que c'est ? Député Versini ! Ouvrez-moi vite, Hugo ! Je dois vous parler. Versini ! Qu'y a-t-il ? Hugo, pardonnez-moi de vous déranger de si bonne heure, mais ce que j'ai à vous dire ne peut attendre. Le président a renversé la République. L'Assemblée est dissoute. Non. C'est un coup d'État, rien d'autre. Louis-Napoléon Bonaparte nous a trahis. Le général Leflot a été arrêté chez lui cette nuit. Baz aussi. Je viens de l'apprendre à l'instant. Et Baudin, Chamarol ? Sain et sauf. Comme Edgar Quinet, Pelletier et beaucoup d'autres, heureusement. Mais pour combien de temps ? Je ne le sais pas. Napoléon a convoqué tous les commissaires de Paris cette nuit. Et ils ont eu pour ordre d'arrêter les démocrates influents. Nous sommes les prochains sur la liste. L'armée est à nos trousses, Hugo. Il faut faire vite, rassembler nos forces et sauver ce qui peut encore l'être. Bien, Versini. Vous avez bien fait de venir. Oui, il faut faire vite. Allez chez les sacs, prévenez tous nos amis. Je vous rejoins. Entendu. Faites attention à vous. Ils vous recherchent. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous perdre maintenant. Ne vous en faites pas, ils ne mourront pas. Adèle ? Adèle, es-tu réveillée ? Oui, approche. Adèle, je dois partir, quelque chose est arrivé, quelque chose de terrible. Que se passe-t-il ? La République, Adèle, il est en train de détruire la République. Cette nuit, nous dormions, je dormais. Comment ai-je pu lui faire confiance ? Comment ai-je pu ne pas voir ? Calme-toi. Personne n'aurait pu prévoir cela. Tu lui as fait confiance parce qu'il t'a donné des raisons de le faire. Tu l'as cru parce qu'il a tout fait pour que tu le croies. Maintenant, il faut te ressaisir. Et réfléchir. Tu as des alliés. Le peuple t'admire et t'écoute. Tu peux faire beaucoup pour le sauver. Oui. Je sais ce que je dois faire. Mon devoir. Alors, fais. Mais sois prudent. J'ai assez de mes deux fils à la conciergerie. Je ne pourrais pas me résoudre à te savoir aussi derrière les barreaux. Hugo quitte son appartement de la rue de la Tour d'Auvergne sans savoir quand il reviendra. La police le recherche. Pour le futur Napoléon III, il est l'homme à abattre. Après avoir fait emprisonner des mois auparavant ses fils, Charles et François-Victor, pour délit de presse, Louis-Napoléon Bonaparte veut empêcher l'écrivain populaire et défenseur de la démocratie d'organiser une résistance. Dans la rue, Hugo fait profil bas. Mais il a le temps d'observer les nombreuses affiches placardées sur les murs, celles qui répandent la propagande napoléonienne. Des proclamations à l'adresse du peuple, désignant l'Assemblée comme un nid de complot et justifiant le coup d'État au nom de la liberté. Arrivé chez ses camarades députés, il doit décider avec eux de la marche à suivre. Dans le salon de l'appartement de Lessac, rue Blanche, les voix s'élèvent et chacun y va de ses propositions. Messieurs, messieurs, messieurs, gardons notre calme. Nous sommes tous du même côté, ne l'oubliez pas, nous voulons tous la même chose et avons peu de temps devant nous. Chamarol, tu étais boulevard du Temple ce matin. Que dit le peuple? Que pensent les ouvriers? Les ouvriers ont peur. Ils lisent les affiches avec stupeur et s'en vont travailler sans rien dire. Nous sommes loin de l'enthousiasme de 48. Dans la rue, les têtes sont baissées et le pas rapide. Je crains que personne n'ait envie d'une énième révolution. Ils ne resteront pas tranquilles longtemps. Il leur faut juste quelqu'un qui puisse les convaincre. Il leur faut une voix en qui ils se reconnaissent. Hugo, vous devez aller à leur rencontre. Oui. Oui. Chers amis, si le peuple veut un guide, je veux bien endosser ce rôle. Je ne laisserai pas Louis-Napoléon Bonaparte continuer à manipuler ces pauvres gens. Les murs de Paris sont souillés de mensonges et de honte, mais la vérité est plus forte. Il faut sortir de l'ombre. Il faut qu'on nous sente là, présents, invulnérables, combatifs. Bonaparte croit qu'il peut brider nos actes et notre parole. À nous de lui montrer le contraire et de souffler sur ce commencement d'incendie. Bravo ! Bravo ! Avant toute chose, il nous faut rédiger une proclamation brève mais précise. Mais aussi investir une imprimerie qui ne soit pas aux mains de l'armée. Millière, vous vous chargerez d'en trouver une. Baudin, écrivez, s'il vous plaît. Au peuple, Louis-Napoléon Bonaparte est un traître. Il a violé la Constitution. Il s'est parjuré. Il est hors la loi. Les représentants républicains rappellent au peuple et à l'armée l'article 68 et l'article 110 ainsi conçu. Ouvrez les guillemets. L'Assemblée constituante confie la présente Constitution et les droits qu'elle consacre à la garde et au patriotisme de tous les Français. Fermez les guillemets. Le peuple, désormais et à jamais, en possession du suffrage universel, et qui n'a besoin d'aucun prince pour le lui rendre, saura châtier le rebelle. Que le peuple fasse son devoir. Les représentants républicains marchent à sa tête. Vive la République ! Aux armes ! Maintenant, tout le monde signe ce texte. Millière, ne tardez pas, nous sommes en hiver, à 5 heures, il fera déjà nuit. Courez et prenez soin de ce document comme de la prunelle de vos yeux. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Partez, vite. Attendez, Versini, non ! Il va se faire prendre. Regardez en bas, des troupes à la porte. Nous sommes perdus. Ce n'est pas possible, qui a pu nous dénoncer ? Millière, passez par l'escalier de service. Chamarol, combien sont-ils ? 20 hommes, au moins. Eh bien, qu'ils viennent nous arrêter. Qu'est-ce que cela nous fait ? Qu'ils consomment leurs crimes, puisque ce sont des criminels. Versini, ne dites pas cela, au contraire. Il ne faut pas nous laisser arrêter. Après la lutte, comme il plaira à Dieu, mais avant le combat, non. C'est de nous que le peuple attend l'impulsion. Nous prie, tout est fini. Notre devoir est d'engager la bataille, de croiser le fer avec le coup d'État. Il faut qu'ils ne puissent pas nous saisir, qu'ils nous cherchent et qu'ils ne nous trouvent pas. Il faut tromper le bras qu'il étend vers nous, nous dérober à Bonaparte, le harceler, le lasser, l'étonner, l'épuiser, disparaître et reparaître sans cesse, changer d'asile et toujours combattre, être toujours devant lui et jamais sous sa main. Ne quittons pas le terrain. Nous n'avons pas le nombre, ayons l'audace. Nous pouvons vaincre ensemble, je le sais. La seule chose que je vous demande, c'est d'être certain de vouloir pleinement cela et de le vouloir à n'importe quel prix. Chacun de nous peut être emprisonné, déporté, contraint à l'exil et même fusillé. L'acceptez-vous ? Oui ! Ce cri ne sort pas des bouches, il sort des âmes et me réchauffe le cœur. Nous ne sommes qu'une petite centaine, peut-être plus si nous parvenons à trouver d'autres alliés. Une petite centaine face à une armée de 100 000 hommes. Mais nous avons le droit pour nous, le droit et l'espoir. Mes amis, il est temps. Versini, allez trouver Bellet chez lui, rue de la Cerisaie. Expliquez-lui la situation, c'est un honnête homme. Il nous accueillera. Bien. Retrouvons-nous là-bas ce soir. Bonne chance à tous! Hugo, qui veut à tout prix rentrer chez lui pour prévenir Adèle des événements, sort discrètement avec trois autres députés, Arnaud, Carini et Montanelli. Dans la rue, ils cherchent un fiacre, mais n'en trouvent aucun, et se décident finalement à prendre l'omnibus. Tous s'assoient au fond du véhicule, les yeux baissés, ils ne parlent pas. Soudain, près de la porte Saint-Martin, la foule pressée se range sur le trottoir pour laisser passer un régiment de la cavalerie. L'omnibus est forcé de s'arrêter. Hugo et ses compagnons voient défiler sous leurs yeux les fiers cuirassiers du nouveau régime, sans qu'aucun des passants ne réagisse. Ce silence et cette résignation sont insupportables pour l'écrivain. Alors, voyant défiler la formation militaire juste au-dessous de lui, Hugo baisse sa vitre, penche la tête et se met à crier. « Ah bah, Louis Bonaparte ! Ceux qui servent les traîtres sont des traîtres !» À ce moment, tous les passagers de l'omnibus se retournent vers lui et le reconnaissent. Mais quelques-uns seulement suivent timidement son exemple, avant de se raviser, de peur d'être arrêtés. L'écrivain, pris dans le tourbillon de la révolte, seul sous le regard perplexe de l'armée, mesure avec terreur le silence et l'inertie du peuple. Mais que se passe-t-il donc? Ne se rendent-ils pas compte, tous autant qu'ils sont, qu'on leur ôte leur liberté? Toutes ces années de lutte n'auraient donc servi à rien? Si seulement un choc pouvait se faire, si une étincelle pouvait jaillir de cette foule, un cri de colère. Peut-être est-ce trop tôt ou trop tard? Non, cela ne peut pas être trop tard. Mais rien ne vient, pas un cri pour accompagner celui de Victor Hugo. Après un moment d'hésitation, ses camarades, Arnaud, Carini et Montanelli, haussent également le ton, mais ne parviennent pas à provoquer l'élan souhaité. Puis l'omnibus reprend sa route. Le groupe rebelle descend, se salue et se sépare. Hugo arrive près de chez lui, rue de la Tour d'Auvergne. Un ouvrier l'aborde et lui apprend que son immeuble est cerné par la police. Alors, il fait demi-tour, ne sachant où aller. La nuit tombe, il n'a rien d'autre qu'un peu d'argent, son manteau et dans sa poche, un morceau de chocolat qu'il déguste en marchant. Puis il se souvient de son ami Auguste, un marchand de vin rencontré sur les barricades de 1848. Il pourra sûrement lui ouvrir sa porte. Chez lui, dans une arrière-boutique de la rue de la Roquette, Hugo reprend courage en écoutant les quelques ouvriers qui l'entourent lui promettre de se battre à ses côtés. Il repart cependant et croise dans la nuit des camarades qui lui indiquent le nouveau point de ralliement. Le rendez-vous est maintenant fixé au numéro 2 du quai de Gemap. Là-bas, Hugo et ses collègues créent un comité de permanence qui réunit toute la gauche républicaine et centralise les instructions. À la fin de la réunion, on demande à Hugo de descendre. Un homme l'attend en bas, sur le trottoir. C'est le journaliste Pierre-Joseph Proudhon, ancien député et révolutionnaire, proche de Karl Marx, qui purge une peine de 3 ans de prison pour offense à Louis-Napoléon Bonaparte. Écroué à Sainte-Pélagie, il a une autorisation de sortie hebdomadaire. Ce jour-là, il est venu spécialement pour voir Hugo. On me dit que vous souhaitez me parler. Oui, merci de venir à moi. Je sais que vous êtes recherché, je ne vous retiendrai pas longtemps. Si j'ai réclamé cette entrevue en tête-à-tête, c'est que je vous veux du bien. Hugo, je viens vous avertir en ami. Vous connaissez mes convictions, mes engagements. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette révolution que vous voulez faire naître ne se produira jamais. Vous vous faites des illusions. Le peuple est avec Bonaparte, même s'il ne l'aime pas. Et c'est Bonaparte qui l'emportera. Il a un but, vous savez. La République a fait le peuple, il veut refaire la populace. Il réussira et vous échouerez. Mais cher ami, j'apprécie votre démarche. J'entends vos paroles, mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Que vous ayez perdu foi dans le peuple, c'est là votre affaire. Moi, je sais que le peuple est vivant. Et je ne désespère pas de le voir se réveiller. Mais Hugo, ouvrez les yeux. Bonaparte a pour lui la force, les canons, l'erreur du peuple et les sottises de l'Assemblée. Les quelques hommes de la gauche dont vous êtes ne viendront pas à bout du coup d'État. Regardez-vous. Vous êtes honnête et il a sur vous cet avantage qu'il est un coquin. Vous avez des scrupules et il a sur vous cet avantage qu'il n'en a pas. Cessez de résister, croyez-moi. La situation est sans ressources. Il faut attendre. au lieu de lutter. Qu'espérez-vous enfin ? Rien. Qu'allez-vous faire ? Tout. Je vais tout faire pour libérer la France. Alors bonne chance à vous, car vous êtes perdu. Peut-être, mais vous l'êtes plus que moi. Ainsi s'achève la journée du 2 décembre 1851. Le lendemain, la situation empire. Les arrestations se multiplient. Mais Victor Hugo croit toujours fermement à la possibilité d'une rébellion. Caché rue Comartin, chez un certain monsieur de la Rouellerie, il ne peut résister à la tentation d'aller retrouver Adèle et sa fille. Adèle, comme c'est bon de te retrouver. Victor, tu es fou. Pourquoi es-tu revenu ici ? Comment même as-tu fait pour monter sans te faire prendre ? J'ai passé la nuit rue Comartin et ce matin en sortant, je savais que je n'étais qu'à quelques minutes de toi. Le portier en bas n'en revenait pas quand il m'a vu traverser la cour. Il est resté sans voix. Ah, oh, Victor, si tu savais comme j'étais inquiète. Cette nuit, il devait être 1 heure, je venais de me mettre au lit et la domestique est venue me chercher. Il y avait des hommes à la porte qui venaient pour fouiller la maison. Le commissaire Hiver, je crois, et toute sa troupe. Comme ils étaient braves, avec leurs redingotes sales et leurs chapeaux sans forme. Ces pauvres loups avaient un mandat de perquisition. Je n'ai rien pu faire. Victor, ils ont tout ouvert. Les armoires, les tiroirs, les coffres. Ne t'en fais pas, tout cela n'a plus d'importance. Mais si, bien sûr que cela est important. Tu ne comprends pas qu'ils ont fait pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Non seulement ils te traquent, mais ils ont pris tous les manuscrits qu'ils ont trouvés. Je n'ai rien pu faire, Victor. Je n'ai rien pu faire. Ce n'est pas grave, ils ne t'ont rien fait à toi et à la petite Adèle, voilà l'essentiel. Ah non, ils n'auraient pas osé et même, ils n'auraient pas pu. Sais-tu ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit, eh bien messieurs, procédez, puisque vous devez le faire. Mais sachez que vous commettez un crime. Les jours comme celui-ci ont un lendemain. Puis je me suis adressée à ce monsieur Hiver. S'il y a ici un malfaiteur qu'il faudrait arrêter, c'est vous. Et sais-tu ce qu'il m'a dit ? Rien. Il a baissé la tête comme un petit garçon qu'on venait de gronder. Et il est reparti aussi misérable qu'il était entré. Ah, mon Adèle, ma chère Adèle, décidément tu ne changeras jamais. Mais il y a autre chose. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton salut. Des lettres par dizaines. De parfaits inconnus qui t'ouvrent leurs portes, qui t'offrent l'asile. Tu n'es pas seul, Victor. Sache que tu n'es pas seul. Oui, je le sais. Hugo ne tarde pas. Il embrasse sa femme, sa fille et part rejoindre ses camarades. Ils ont prévu d'aller au faubourg Saint-Antoine, là où les barricades se sont déjà dressées. Arrivé sur place, il constate que les premiers combats ont été meurtriers. Leur collègue et ami Baudin a été tué. Le comité des représentants se réunit de nouveau et décide un appel aux armes. Le soir, rue Saint-Martin, un cortège inattendu se forme. Plusieurs dizaines d'ouvriers, torches à la main, marchent gravement et entonnent la Marseillaise. Le frisson que Victor Hugo espérait tant apparaît enfin. Et tandis que le nouvel empereur s'inquiète, de nouvelles barricades se font jour un peu partout dans Paris. Le matin du 4 décembre, dans le fiacre qui le mène à la porte Saint-Martin, au cœur du combat à venir, Hugo reprend espoir. Cela va prendre. Cela va prendre, c'est certain. Le difficile n'est pas d'incendier, c'est d'allumer. Et puis, ce brouillard gris, épais, ce brouillard est pour nous. Il va nous cacher et nous aider en même temps. Ah, cette journée sera terrible. Elle sera ardente, acharnée et opiniâtre. À ce moment-là, Hugo est confiant. De toutes parts sortent les insurgés, des hommes décidés à se battre, brandissant leurs armes et criant leur haine de Bonaparte, encouragés par les femmes les applaudissant du haut de leurs fenêtres. Dans les rues, les affiches de propagande sont arrachées et le nom de l'empereur insulté. Mais le doute envahit peu à peu les consciences. Les combats sont d'une violence inouïe et la lutte se transforme en massacre. Les brigades de Bonaparte mitraillent à tout va. Les rebelles comme les simples passants et même les commerçants qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. En une nuit, plusieurs centaines de personnes sont tuées. Parmi elles, un enfant, abattu rue Ticton. Hugo, bouleversé par cette nouvelle, se rend le soir même chez la grand-mère du garçon pour lui présenter ses condoléances. La douleur de cette vieille femme qui vient de perdre son petit-fils le plonge dans une profonde tristesse. Alors il fait ce qu'il peut pour l'aider, déshabiller et laver l'enfant mort et prendre la main de la vieille femme sans pouvoir lui promettre qu'il sera vengé. Cette nuit du 4 décembre lui laissera un goût de défaite. Sept ans. Il n'avait que 7 ans. C'est bien jeune pour mourir de 2 balles dans la tête. Qui a bien pu faire cela? Quel homme tirerait sur un enfant? Il n'était pas armé, il s'enfuyait juste, il voulait se mettre à l'abri. C'est donc ça le gouvernement? Des brigands? Des assassins? Et moi qui n'ai pu consoler cette femme alors même que je connais sa douleur, je connais ses ténèbres où l'on pleure. Je sais que le sort peut terrasser une vie comme ça. D'un seul coup. Ah, comme je comprends si bien cette envie de mourir aussi, de se briser le front sur le pavé, de ne pas vouloir croire, enfin, à ce qui est perdu. J'aurais tant aimé lui dire que le chagrin passe comme un nuage, mais pourquoi mentir? Tout cela est faux, le chagrin ne disparaît pas. Il se creuse, il s'installe. Il ne m'a pas quitté depuis toutes ces années. Voilà 15 ans que Léopoldine est morte et pourtant je n'y crois toujours pas. Mon esprit bute sur la réalité et j'en veux toujours à ce Dieu qui m'a ravi ma tendre fille, qui m'a pris la lumière que j'avais parmi les vivants. C'était le bonheur de ma vie de voir ses yeux me regarder. Mais il y a des deuils, malheureusement, qu'on ne console pas. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête. On se plaît aux livres des vieux sages, on va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant en riant aux éclats, on aime, on est aimé. Puis la vie arrive avec ses passions troublées, on est flot dans la foule, on est âme dans la tempête, tout vient et passe. On arrive, on recule, on lutte avec effort, puis le vaste et profond silence de la mort nous envahit. Le lendemain, 5 décembre, Victor Hugo se rend dans le quartier des Halles, totalement déserté. Ça et là, des barricades sont encore debout, mais l'odeur de l'assaut n'a pas disparu. Et tout en enjambant les crevasses et les corps, il observe avec tristesse le désastre. Quelques combattants sont toujours là et lui proposent une arme. Non, je veux bien mourir dans la guerre civile, mais je ne veux pas y tuer. Les combats se poursuivent dans la capitale. Hugo assiste caché à plusieurs fusillades et se rend compte que la lutte est perdue. Il y a 2 jours, tout venait à nous. Aujourd'hui, tout se retire. C'est une mer immense qui s'en va. Elle était venue formidable, elle repart sinistre, sous mes yeux, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Ce pygmée aura donc eu raison de nous. Qui l'aurait cru? Pas moi. Et pourtant, le peuple est touché. Il a combattu, puis il s'est évaporé. Nous voici de nouveau seuls tous les jours. On m'apprend qu'un tel a été arrêté, un autre fusillé, un autre encore disparu. Mais pour une raison que j'ignore, le courage ne nous a pas encore quittés. Il y a 2 sortes de courage, la bravoure et la persévérance. Le premier est celui du soldat, le second celui du citoyen. Il me reste celui-ci. Je ne sais pas où aller, je n'ai aucune idée d'où je dormirai cette nuit, mais ce courage m'habite encore un peu. Il est mon seul asile. Mais la flamme s'éteint. Victor Hugo prend conscience de sa solitude et de l'impossibilité de renverser le nouveau régime. Il se souvient pourtant qu'il aurait pu le faire quelques semaines plus tôt. L'idée lui avait été soufflée par Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon Ier, qui avait pressenti un danger proche et était venu solliciter son aide. C'était 15 jours avant le coup d'État, un soir de novembre 1851, dans son appartement de la Tour d'Auvergne. Jérôme Bonaparte avait demandé à lui parler. Il était inquiet pour l'avenir du pays et des Bonaparte, et surtout pour la gloire de son illustre ancêtre. Monsieur Hugo, la République est perdue, à moins que vous ne la sauviez. Moi ? Vous. Pourquoi, selon vous ? Vous êtes le seul à pouvoir réunir tout le monde. La droite, d'où vous venez, et la gauche, où vous allez. Les deux camps se livrent à une guerre de pouvoir depuis des semaines. C'est à qui aura le plus d'adhérents. Mais pendant ce temps-là, Bonaparte gagne du terrain. Et personne ne s'en préoccupe. Chacun a une idée de l'avenir sans lui, mais personne ne fait en sorte de l'appliquer. C'est à vous de le faire, Hugo. À personne d'autre. Mais pourquoi moi plus qu'un autre ? Les députés vous apprécient. Ils obéiraient à un ordre signé de votre main. Mais à quoi pensez-vous précisément ? Cette nuit, commettez votre coup d'État. Et faites arrêter mon neveu. Que voulez-vous dire ? Ce que je dis. L'armée est indécise, elle soutient Napoléon car il est facile pour elle de le faire. Comme il lui sera facile de rallier votre cause. La garde nationale est du côté de l'Assemblée. Les colonels Forestier et Gressier sont avec vous, tout comme les généraux Neumayer et Lavestine. Si vous en donnez l'ordre, la prise d'armes sera immédiate. Un bataillon marcherait sur l'Élysée, les troupes impériales seraient surprises et vite dépassées, et vous iriez chercher Bonaparte dans son lit. Arrêter Napoléon ? Oui. Vous savez, je suis un Bonaparte, mais je ne suis pas bonapartiste. Ce nom, je le respecte, mais je le juge. Cette gloire de Napoléon Ier est vulnérable. Elle a une cicatrice fermée, soit. Qu'on ne la rouvre pas. Ce nom risque de s'effondrer. Je ne le veux pas. En vous demandant d'agir, je veux aussi sauver le Napoléon actuel. Je veux sauver sa mémoire du pilori éternel. Donc arrêtez-le. Mais je ne peux accepter ce que vous me proposez. Mes hommes et moi condamnons toute usurpation. Nous ne pouvons donc usurper quoi que ce soit. Nous, les défenseurs de la Constitution, nous briserions la Constitution. Mais c'est un coup d'État pour le bien. Le mal fait pour le bien reste le mal, surtout quand il réussit. Pourquoi ? Parce qu'il devient exemple. Et puis la question n'est jamais le succès, cher ami, c'est toujours le droit. Et que me demandez-vous de faire ? De violer le droit. C'est non. Alors c'est lui qui va attaquer. Je vous en donne ma parole. Soit. Vous allez livrer une bataille presque perdue d'avance. Et ce combat ne peut se terminer pour vous, Victor Hugo, que par la mort ou l'exil. Oui, je le crois aussi. La mort, c'est un moment. Mais l'exil, c'est long. C'est une habitude à prendre. Vous ne serez pas seulement proscrit. Vous serez calomnié. C'est une habitude prise. Savez-vous ce qu'on dit déjà ? On dit que vous êtes irrité contre lui parce qu'il vous a refusé d'être ministre. Je sais que c'est le contraire. C'est lui qui vous l'a demandé. Et c'est vous qui l'avez refusé. Eh bien, alors ? Alors on mentira. Qu'importe. Mais il y a autre chose. L'exil. Pourrez-vous supporter l'exil ? Je tâcherai. Pourrez-vous vivre sans Paris ? J'aurai l'océan. Je ne comprends pas. Pourquoi accepter l'exil si vous pouvez l'éviter ? Que mettez-vous au-dessus de la patrie ? Ma conscience. Et elle est ainsi faite qu'elle ne met rien au-dessus d'elle. Je la sens sur moi comme le promontoire pourrait sentir le phare qui est sur lui. Toute la vie est un abîme, et la conscience l'éclaire autour de moi. J'ai parfaitement entendu ce que vous m'avez dit. Pour mettre fin aux agissements de ce criminel, il faut que j'en devienne un moi aussi. Mais sachez que j'aime mieux être proscrit que proscripteur. J'aime mieux subir le crime que le commettre. Un mois plus tard, Victor Hugo ne regrette pas sa décision. mais il est contraint d'accepter son sort. Le coup d'État a bien eu lieu et il a perdu la bataille. Hugo apprendra par la suite que Jérôme Bonaparte s'est finalement rangé du côté du futur Napoléon III, recevant même les honneurs de l'Empire. Pendant plusieurs jours, l'écrivain erre de maison en maison. Ses compagnons font de même quand ils n'ont pas déjà été arrêtés. La résistance n'est plus possible. La seule issue, s'il veut rester libre, c'est l'exil. Il prépare son départ. Le 7 décembre, il se fait faire un faux passeport au nom de Lanvin. Et après 3 jours d'attente, sans avoir pu dire au revoir à son épouse et à sa fille, Hugo part dans la nuit, déguisé en ouvrier, en direction de la gare. Certains de ses camarades prendront le même chemin. Edgar Quinet sera conduit à la frontière par une amie le 10 décembre. Versigny partira de son côté le 14. Et bientôt Adèle, sa fille et ses 2 fils qui ont été libérés. D'autres n'auront pas cette chance. Ils seront arrêtés, jugés et emprisonnés. Ce 11 décembre 1851, Victor Hugo prend son train qui va rouler dans la nuit noire. Le lendemain matin, il sera en Belgique, un pays qu'il quittera rapidement pour les îles anglo-normandes. Il part sans valise ni manuscrit. Juliette Drouet, sa maîtresse, doit bientôt le rejoindre avec une précieuse malle contenant plusieurs de ses textes en cours d'écriture. Et dans sa tête germent déjà 1000 idées et 3 grands livres. Napoléon le Petit, Histoire d'un crime et bien sûr Les Châtiments. Victor Hugo ne retrouvera son pays qu'en 1871. Victor Hugo face à Napoléon le Petit de Laura Elmaki avec Victor Hugo, Louis Daud de Langsin, Adèle Hugo, Laurence Cordier, Jérôme Bonaparte, Philippe Lautenbach, Pierre-Joseph Proudhon, Stéphane Valency, le député Versigny, François de Bloch, le député Chamarol, Clément Boudu, et les voix de Thomas Guéné, Sébastien Faglin et Marc-Henri Lamande, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Jean-Richard Dufour et Mathieu Leroux, assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet et Litorquia, réalisation Laurence Courtois. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur Victor Hugo avec mon invité Michel Vinocq. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. I wouldn't know where to start if you ever were to ask me if I ever came to say. So is this why you're proposing to me? A front seat to your parade to sit in fear. Well, it seems pointless to explain. Just give it a stare. If only you notice. If only you. I've got to stop this obsession. I've got to stop. My reason, let them roll without me. I'm always waiting for what comes through. Knees black from bending, seeking a little here and there, but I don't blame you. Loudoyon, Where to Start. Alors Michel Vinocq, donc nous avons entendu ensemble l'histoire des premières heures et des quelques jours qui ont suivi le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. C'était le 2 décembre 1851, tel que les a vécus Victor Hugo. Ce n'est que l'année suivante que l'Empire véritablement sera proclamé. Effectivement, Louis-Napoléon Bonaparte est toujours président de la République, donc pendant encore un an. Et avec une petite idée derrière la tête. Bien sûr, bien sûr. Il veut rétablir l'Empire, c'est indiscutable. Il a l'habileté de faire appel au peuple. Et il va faire ratifier le coup d'État par un plébiscite qui va être un succès pour lui. Avec quelques tricheries dans la manipulation des urnes, etc. Mais enfin, on peut dire que sans doute l'opinion lui était favorable. Pourquoi ? On peut dire un mot à la fois des ouvriers et des paysans. Puisqu'on entend les ouvriers qui, quand même, qui ont fait la révolution de 1848, qui ont payé un prix lourd. Oui, mais n'oublions pas que les ouvriers, qu'était pour eux la République en 1851, c'était un régime qui avait noyé dans le sang l'insurrection de juin 1848. En effet, les ouvriers s'étaient alors révoltés contre la décision de fermer les ateliers nationaux où étaient engagés les chômeurs. Il s'en est suivi une insurrection, 3 jours de combat, de guerre civile, après quoi il y a eu une répression très dure, des déportations en Algérie, etc. Ensuite, il y a eu cette décision en 1850 de limiter le suffrage universel, d'en éloigner les ouvriers par un vote qui obligeait une résidence de 3 ans pour avoir le droit de vote. Par conséquent, comme les ouvriers à l'époque bougeaient beaucoup pour trouver un emploi, c'était eux qui étaient visés. Il y a eu une république conservatrice. Et pourquoi était-elle si conservatrice ? Là, il ne faut pas oublier que la France est une France paysanne. Oui, il y a Paris, il y a le reste. Exactement. Il y a Paris et les grandes villes quand même. Mmh. Mais il y a une majorité de paysans qui sont, pour beaucoup et pour la majorité, des petits propriétaires. Et quand la Révolution éclate à Paris, on entend aussi dans les campagnes ces cris de la peur contre ceux qu'on appelle les partageux et même les communistes. Vous voyez donc, l'Assemblée est conservatrice. Ce qui explique que les ouvriers parisiens, notamment, ne sont pas prêts à la défendre. Oui, ils ne sont pas prêts à défendre la République, de perdre leur vie pour la République à ce moment-là. Et n'oublions pas que dans ce coup d'État, Napoléon Bonaparte a eu l'habileté de placarder sur les murs de Paris que le suffrage universel était rétabli. Donc, voilà une explication. Alors, certains ouvriers se sont battus, mais enfin, ça n'a pas été l'ensemble du peuple de Paris qui s'est défendu. Il y a eu des résistances, mais la répression, là encore, a été féroce. Avec un mort, notamment un député, alors, le député Baudin qui meurt. Député Baudin qui va devenir une icône pour les républicains qui sont complètement décimés, battus, vaincus, mais qui, au cours des 20 ans de l'Empire qui va suivre, vont peu à peu reprendre force. Et Baudin, la figure de Baudin mort sur les barricades, est une figure de l'histoire républicaine. Est-ce que Victor Hugo était le seul à pouvoir incarner véritablement l'opposition républicaine, Michel Vinocq ? Non, certes pas. Beaucoup, avec lui, ont connu le chemin de l'exil. Le plus fameux, peut-être, était Edgar Quinet, qui était professeur au Collège de France. Mais Hugo avait une très grande popularité. Il a acquis une popularité considérable, non seulement par ses discours politiques à l'Assemblée, souvent applaudis, mais aussi en raison de cette magie du verbe extraordinaire. Je vous en cite un exemple. Lorsqu'il va quitter la Belgique pour gagner Jersey, beaucoup de monde est devant le bateau, en train de l'acclamer, et il déclare « Mais non, la République n'est pas morte, citoyen. Je le déclare, elle n'a jamais été plus vivante. Elle est dans les catacombes, ce qui est beau. Ceux-là seuls la croient morte qui prennent les catacombes pour le tombeau. » Vous voyez, avec quel... Bon, c'est du Hugo, et il est familier de cette verve extraordinaire. Il n'a pas encore écrit Les Misérables, il y pense. Et les... Il sera publié en 1862, oui, plus tard. Pendant son exil. Mais il a commencé déjà son roman qui s'appelle, pour le moment, Les Misères, et qui deviendront Les Misérables. Donc, il y a cet attachement au peuple. Même quand il était monarchiste, il a eu cet attachement au peuple. Mais il considérait, à ce moment-là, que la République, c'était un idéal qui serait un jour réalisé, mais... Comme il disait, il faut attendre que les fruits soient mûrs. Ce petit garçon, cette histoire qu'on a entendue, le petit garçon qui est tué par deux balles dans la tête, dans les combats dans la rue, peut-être que c'est déjà le personnage de Gavroche qui naît dans l'esprit de Victor Hugo. Certainement, cet épisode, il en a fait un poème, n'est-ce pas ? La nuit du 4 décembre. C'est un très beau poème. Où il rend hommage précisément et à l'enfant et à la grand-mère. Et c'est un poème particulièrement émouvant. Victor Hugo a toujours eu pour l'enfance sacrifiée en particulier, une émotion, une compassion que l'on retrouve souvent dans ses poèmes. L'histoire donc de ce qu'a vécu Victor Hugo pendant ces quelques jours qui ont suivi le coup d'État, on la connaît grâce au récit que Victor Hugo lui-même a fait, donc dans Histoire d'un crime qu'il a écrit en exil. L'histoire donc c'est étonnante, on le voit comme ça errer dans les rues, il est déguisé en ouvrier, il change de logement toutes les nuits. Enfin, c'est quand même une histoire ahurissante de voir un poète comme ça tellement connu. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Vous pensez qu'il a un petit peu arranger la réalité? Peut-être dans le détail, il y a des inexactitudes ou des arrangements. Mais en gros, Histoire d'un crime est un récit authentique, fiable. Et pour le comprendre, oui, il faut savoir que Victor Hugo a acquis véritablement, je dirais, la dignité d'un père de la République. Il est devenu un père de la République à cause de cet exil, et n'oublions pas que il est resté jusqu'au bout. En 1859, Napoléon III va proclamer l'amnistie, et ce sera pour beaucoup d'exilés le retour en France, alors que Victor Hugo restera jusqu'au bout. Et s'il n'en reste qu'un, dira-t-il, je serai celui-là. Et il a tenu parole, puisqu'il n'est revenu en France qu'après la défaite de Napoléon III dans la guerre franco-prussienne, défaite de Sedan qui date du 2 septembre, et le lendemain, surlendemain, au moment où la nouvelle est apprise, Paris se révolte contre l'Empire qui est à terre, et la République est proclamée. Et c'est à ce moment-là que Victor Hugo va rentrer en France. Et alors, dans le train qu'il ramène vers Paris, à chaque gare, on le reconnaît, il est acclamé, il est devenu vraiment le héros républicain par excellence. Il revient avec sa femme et sa maîtresse. Oui. Pour la petite histoire. Voilà. Merci beaucoup, Michel Vinocq. Je rappelle que sur ce sujet, vous avez publié notamment Victor Hugo dans l'arène politique chez Bayard et Les voix de la liberté, les intellectuels engagés au 19e siècle au Seuil, un très beau livre. Et plus récemment, vous avez publié chez Gallimard une biographie de François Mitterrand et également Journal politique, la République gaulienne 1958-1981, qui est votre journal personnel, édité chez Thierry Marchès. Concernant Victor Hugo et sa relation singulière avec les femmes, je signale une exposition Entre pudeur et excès, Eros Hugo, qui débutera jeudi prochain à la maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Voilà, autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission a été réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique Alice Berger. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, exceptionnellement, pas d'autant on emporte l'histoire, mais nous célébrerons ensemble dans une émission spéciale les 60 ans du Masque et la Plume. Ça ne se rate pas. Pas d'inquiétude, nous nous retrouvons dimanche 29 novembre pour parler avec Mohamed Aïssaoui de l'incroyable histoire de l'esclave Fursi qui, au 19e siècle, à La Réunion, se battit pendant près de 30 ans pour devenir un homme libre. Très bonne soirée à tous.